frise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, c'est bon ça, l'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, rise là, l'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, c'est bon ça, l'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça. Des fois je roule des feuilles qui sont transparentes. Apparemment c'est meilleur pour la planète, l'environnement. Je fume des feuilles chimiques. Mais mon bédo, il est pas chimique, pas coupé. Ça vient du Maroc, c'est direct. Je fume mon pilon, c'est meilleur que le goudron. L'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, rise là. L'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça. Ce soir je paye ma tête de bœuf. A tous les rageux, à tous les dalleux, faites-vous plaisir, sans trop investir. Dis-e les 5 meufs, lâche tes liasses. C'est du bon, c'est pas coupé avec du verre. Vas-y fume-le et fais tourner à ton frère. Fais tourner mon pilon. Mon pilon c'est le meilleur du patient. Et ouais mon pilon l'est pas coupé. J'suis pas un enculé, j'm'amuse pas à mettre du verre pilé. Mon pilon, il est trop bon. Mon pilon, il va faire plaisir à tes poumons. Vas-y, mets le coup avec du goudron. Fume le pur, fume le pur. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y, fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y, fume ça, rise là. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y, fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y, fume ça. De nez dans ta feuille et tu vas voir mon gars, tu seras pas déçu du voyage. Tu vas te croire au Moyen-Âge. Fume mon pilon, il est trop bon. Fume mon pilon, c'est bon pour tes poumons. Fume mon pilon, c'est meilleur que le goudron. Fume mon pilon, il est pas surtaxé. Fume mon pilon, il est pas coupé. Il est pas cher, 20 la baille. Jeep mes panettes, remplis la tête. Lâche, lâche, lâche la pression. Fume, fume, fume le pilon. Lâche, lâche, lâche la pression. Fume, fume, fume le pilon. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y fume ça, rise là. L'effet rise là, c'est bon ça. Vas-y fume ça, c'est bon ça. L'effet rise là, c'est bon ça, vas-y fume ça. Hold the pillow, le bédo, marijuana, la marijuana, je kiffe ça. Funky fix, chanson pour le spliff, celle qui fait plaisir à écouter. Autant plaisir qu'à fumer. Chichichich.